tu la goya o naza e Je charbonnais tous les soirs, ça a failli me tuer, oh. Je vivais un vrai cauchemar, ça pouvait me tuer, oh. J'appelais maman tous les soirs, ça a failli la tuer, oh. Et me voilà 7 ans plus tard, je vais tuer, oh. À comment je m'appelle, mais j'ai dû.